précédemment dans Wotaku. Bonjour à tous et bienvenue sur Wotaku, votre nouveau podcast. Comment osez-vous dire une chose pareille ? Et donc, aux côtés de Ner'zhul, à la tête du clan Ombre Lune, Gul'dan teste ses nouveaux pouvoirs sur les tribus Draenei. Donc moi je suis Ludo. Puis tu les sens venir à 10 km à la ronde. Il te fait les mots, machin, passe la main dans vos cheveux, dans un geste tendre. C'est bon. Moi c'est JP. Donc la pierre de foyer c'est tout ce qui tourne autour de World of Warcraft. Pourtant Van Cleef et ses maçons n'ont pas touché la moindre pièce de cuivre pour toutes leurs années de labeur. Khadgar. Je le fais bien, tu le fais très très bien. Oui. Je suis entraîné. Alors juste une petite parenthèse. Maligos c'est le seul dragon qui ne fait pas de coup de cœur. Eh bah oui, bonjour, je m'appelle Brock. Ouais c'est du cartoon un peu genre la Bit et Coyote en fait. Lisez Steve aux toilettes alors, c'est ça ? Voilà, exactement, oui, tout à fait. Enfin, lisez-le où vous voulez, surtout. Nécrosis, c'est l'addon indispensable du démoniste. Et là, on arrive devant le maître des lieux, c'est Kel'Thuzad. Au revoir. Et bienvenue sur Wotaku. Ce mois-ci au sommaire, la classe du mois que je vais vous présenter, il s'agira du mage. Alors pour partir au classe de ce mois-ci, on va s'intéresser à la vallée des héros. C'est donc ces grandes statues à l'entrée du Relevant. N'hésitez pas à vous poster dans le coin si vous êtes de l'Alliance. Si vous êtes de la Horde, essayez d'être discret. On va en faire le tour ensemble tout à l'heure. Ludo, pour le raid du mois, qu'est-ce que tu nous as préparé ? J'ai fait un petit topo justement sur comment s'équiper en raid. Ensuite, nous aurons droit à la partie pierre de foyer préparée par notre cher Brock, les add-ons par Ludo et moi, et pour terminer, nous présenterons nos coups de cœur jeux vidéo de ce mois-ci, voilà. Avant de se lancer dans ce programme, on va voir si vous avez bien écouté la deuxième émission, et on va se lancer dans un petit quiz. Est-ce que vous êtes prêts, Ludo et JP ? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par une question sur la chronique de Maligos. Alors, Ludo parle d'une quête dans cette chronique. Quel est le nom de cette quête ? Ah bon ? Il y a une quête ? Non, j'en sais rien. Là, je vais te dire, j'en sais rien du tout. C'est magnifique. Alors, Brock, tu connais la réponse ? C'est un truc trop nul. Parce que même toi, Ludo, tu connais pas la réponse ? Si, attends, la réponse, et je sais que tu m'as. En plus, tu me l'as fait répéter. C'était. Un as dans notre jeu. Oui, c'est ça. Bravo Ludo. JP, je vais te demander d'applaudir Ludo puisque tu es une grosse brouette, JP. Voilà. Merci. Véronne a eu Roméo et Juliette et les Mortemines ont eu aussi leur histoire d'amour tragique. Comment s'appelait le couple d'amoureux des Mortemines ? Bon, le mec c'était Turok, l'ogre. Et la femme. C'était la fille de. La fille du. D'un humain, en fait. Non, la fille de Chef Orc. Là. Ah! C'était la fille de Khadgar. La fille de Khadgar. Fille de Khadgar. C'est Griselda, voilà. Griselda, bravo JP. Sans Google ou voilà. Avec Google quand même? Sans Google. Sans Google. Avec le forum de Wotaku. maintenant on va s'intéresser à Selkis. Quel est le premier jeu auquel notre joli Selkis a joué? Monkey Island. Non. C'était pas Monkey Island, c'était un jeu avec un petit chat en fait. Je sais plus le nom, je sais même plus si elle dit d'ailleurs. Alexandre Lederman, élève des chats. Non, mais... non, c'est pas ça. C'était un jeu avec un petit chat, mais je ne savais plus le nom. Je crois pas qu'elle donne, mais c'est un jeu avec un petit chat, elle s'amusait à le faire sauter, ça l'avait captivé. Fuck the cat. Hein. JP fait une rechute. Il y avait le titre du jeu, dans l'expression que vient d'utiliser JP. Bah, il y a les 4, ça c'est obligé. Et bah, c'est voilà. Quoi, JP ? Comme ça ? Et bah, c'est ça, bravo JP, c'était 4. Je suis trop fort. Et puis, la dernière question que j'avais prévue pour aujourd'hui quels sont les deux familiers récupérables dans les mortes mines. Et je pense que ça s'adresse plutôt à Ludo, puisque... Ah, c'est pas dur, ça. Il y en a une, c'est... Alors, c'est un petit oiseau. Ouais. C'est, Il y a quelque chose de plus précis que ça, quand même. Oui, non, mais c'est le petit oiseau que tu lootes sur des défias, en fait. Moi, je me rappelle, la première fois, j'ai looté sur le pont devant le bateau. C'est un genre de... Je sais plus comment c'est le nom exact, mais c'est un petit oiseau, en fait. Vert, je crois, si je me plante pas. Ah, attention. Et le deuxième familier, c'est... Je ne sais plus. Alors, je vous propose... Si, un chat. Un chaton. Ah, oui. Ah, ouais, c'est un chat. Tout à fait. Oui, c'est le chat siamois. Bravo. Ah... Le petit oiseau, c'est un hara aile verte, une espèce de perroquet. Ah bah j'étais pas loin, j'ai dit qu'il était vert. Donc Brock, tu l'as fait ou pas, Maligos? Bah bien sûr que non. Non. D'accord, ok. Le jour où Brock fera des instances, hein, ça se saurait. Ok, donc j'ai une question pour vous, puisque vous avez pas fait Maligos ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qui se passe en début de phase 3? Ah, JP, est-ce que tu veux répondre à cette question? Moi, je pense que je connais la réponse. Oh, vas-y, Brock. D'accord. Alors, en début de phase 3, la plateforme explose. La plateforme sur laquelle le combat se déroule explose. Maligos s'envole. Enfin, il s'envole avant, puisque sinon, il s'écrase comme une grosse crotte. Et donc, les dragons rouges d'Alexstrasza, du vol d'Alexstrasza, arrivent et les joueurs montent dessus. C'est ça? Ouais, bah, elle est beaucoup plus complète que je l'aurais faite, la réponse. Bravo, Brock. Nickel. Plus de vieux faillots, va. Bon, et moi j'ai une dernière question de quiz pour JP. JP, si je te dis le mage, ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser à ma partie de la classe du mois. Ah bah alors on y va. Et on se lance tout de suite dans la classe du mois, c'est parti. Alors, pour la classe du mois, on va vous parler du mage. Vous allez adorer. Attendez de voir. Le mage est une classe de dégâts à distance, assez fragile, mais qui a un avantage certain, c'est qu'elle fait énormément de dégâts. Les talents du mage se divisent en trois branches. Tout d'abord la branche feu, je pense que c'est celle qui fait le plus de dégâts. Avec des temps d'incantation assez longs, ce qui peut rendre le mage assez vulnérable pendant l'incantation. Un autre désavantage, c'est l'utilisation de beaucoup de mana. Ensuite, c'est la branche givre, donc elle est un peu moins forte au niveau des dégâts, et qui a un temps d'incantation un peu plus rapide que la branche feu. Vous avez des sorts comme l'éclair de givre, la nova de givre, le cône de froid, qui permettent de ralentir la cible. Bon, ça permet de mieux contrôler son mob. C'est une branche un peu plus protectrice du mage, avec notamment les classiques armures de glace, armures de givre. La troisième branche, il s'agit de la branche arcane, qui rassemble tous les sorts d'arcane, comme explosion des arcanes, etc. C'est une branche intermédiaire. Je sais pas ce que diront mes deux compères. Ouais, intermédiaire. En ce moment, ça marche bien en PVP, hein, la branche arcane. Ouais. Je dirais c'est une branche avec des talents un peu plus disparates au niveau des attributs qu'elle peut augmenter, donc avec un talent qui augmente la caractéristique esprit, qui fait baisser les temps d'incantation des sorts, qui augmente les dégâts des sorts. Sinon, pour parler un peu du mage en lui-même, les petits plus qu'il peut avoir, bon, d'abord c'est un distributeur à bouffer à flotte. Tu te mettre tous les mages à dos là. C'est un peu ça quand même. Excuse-moi, mais moi le nombre de fois en instance qu'on m'avait dit bon, tu peux me filer de la bouffe, tu peux me filer de la flotte. La métamorphose, pour dire un peu, c'est que ça transforme l'ennemi en mouton pendant 20 secondes au maximum. On a des gros packs à affronter et qu'on peut transformer quelqu'un en mouton, on le fait. Le sort de chute lente, ça j'adore. C'est un sort qui va vous ralentir votre vitesse de chute pour vous une cible pendant 30 secondes, voilà. Donc sinon je vais parler d'intelligence des arcanes. Faut que le mage le balance à tout le monde, c'est un petit bonus d'intelligence sympathique. Voilà, pendant 30 minutes. Ensuite un autre sort que j'aime particulièrement, c'est le transfert, qui téléporte le lanceur de sort en fait de 20 mètres plus loin vers l'avant. Et moi je l'utilise souvent quand je me fais courser par des mobs, hop, je balance mon transfert et ils arrivent pas à me shooter. Ben, la Nova Gif par exemple, qui va permettre de frapper les ennemis qui sont autour du lanceur de sort et qui va les geler sur place, donc vous allez, ça vous permet de vous, s'ils sont en contact, de vous éloigner et de continuer à balancer vos sorts un peu plus loin. C'est ce fameux truc où ça te gèle les chevilles, c'est ça? C'est ce fameux... Ouais, voilà, c'est ça. Le mage a une très grande gamme de sorts de zone en fait, comme Blizzard, le choc de flamme, souffle du dragon, cône de froid, enfin. C'est un aspect aussi très intéressant du mage qui peut faire beaucoup de dégâts, beaucoup de cibles en même temps. Pour jouer la classe, les différents challenges, c'est déjà faire attention à la distance que vous avez entre vous et le mob. Essayer de le tenir le plus éloigné de vous pour lui balancer vos sorts, ce qui est là ça devient très pratique avec la branche de givre, avec le ralentissement. Quand vous êtes en raid, ben c'est la gestion de l'aggro, la gestion de la menace par rapport au monstre, éviter de piquer l'aggro du main tank. La gestion de mana, parce que la mana avec les sorts du mage s'écoule assez vite, et là le petit défaut, je dirais, avec la classe du mage en leveling, c'est qu'il faut s'arrêter toutes les 5 minutes pour boire de la flotte pour reprendre sa mana. Et bien sûr, il me faut un peu de mana. À plus haut niveau, il a plusieurs outils qui permettent justement de régénérer sans passer sa vie à boire. Bah, si tu utilises correctement l'évocation et les différentes pierres que tu peux créer, parce que le mage peut aussi créer ses propres pierres qui régénèrent la mana, un peu comme les potions de mana, ça, tu peux généralement étaler plus le moment où tu vas régénérer, et donc être moins, on va dire, dépendant de la mana et pas t'arrêter toutes les 30 secondes. C'est un personnage qui peut se jouer plutôt immobile, en tout cas dans le lancer de sort. C'est pas un personnage comme le voleur où vous allez essayer de bouger tout autour de la cible pour la détruire. Là, vous pouvez rester immobile et balancer vos sorts, mais il faut quand même se déplacer pour éviter justement de se retrouver au corps à corps. Et ben là, le mage a toute la gamme qu'il faut de sorts pour se débarrasser facilement de la cible en face, en fait. Faut surtout aussi dire que le mage, ça commence à prendre toute sa puissance à partir du niveau 20, c'est là qu'il commence à avoir les sorts les plus intéressants, notamment le transfert, les boucliers qui peuvent absorber des dégâts de feu et de givre, et d'autres. C'est assez intéressant, c'est aussi, il peut se téléporter, c'est ça? Ouais, il peut se téléporter, donc les premiers en fait c'est des... Je dirais c'est des sorts un peu qui ressemblent un peu à la pierre de foyer, bon sauf qu'il n'y a pas besoin d'affilier la pierre de foyer à une auberge, là c'est ils envoient directement dans la capitale que vous voulez. Et ensuite le second niveau, je dirais, de ces sorts, c'est ben le portail que tout le monde connaît. Alors, les métiers à développer, je dirais, bon, le couple qui tue tous, c'est tailleur enchanteur. Bon, c'est pratique pour s'équiper. Sinon, moi, bon, quand même, avec quasiment tous mes persos, j'utilise herboristerie alchimiste pour créer des potions d'amélioration et de mana. Et sinon, moi, je dirais peut-être la calligraphie qui peut être intéressante pour les sorts. Parce que je pense que c'est la classe qui se prête mieux à faire la calligraphie pour la modification des sorts. Bon, sinon, y a pas vraiment. Bon, je conseillerais pas mineur forgeron ou des choses comme ça, ça sert à rien. Ce que je dirais, c'est que le mage, généralement, il est assez bien vu en groupe par rapport aux améliorations qu'il apporte. Donc, l'intelligence des arcanes qui augmente l'intelligence du groupe. Le fait qu'il peut faire de la nourriture et de l'eau. Donc ça, généralement, ça commence quand on est dans une optique raid, ça commence par une petite table où tout le monde va servir de l'eau et de la nourriture. C'est assez bien vu par rapport aux dégâts qu'il fait. Et par rapport surtout au polymorphisme, donc au fait de transformer les ennemis en moutons. Ça a quand même un gros... Ça apporte quand même pas mal de choses au groupe. Et ben c'est une classe très sympathique à jouer, essayez 20-30 niveaux, puis essayez, puis si ça vous plaît, vous continuerez comme moi, voilà. J'ai réussi à mettre ma petite sœur à World of Warcraft et elle m'a demandé quel personnage elle pourrait commencer pour bien s'amuser, pour faire beaucoup de dégâts. Donc je lui ai dit de jouer à un mage et pour l'instant elle s'éclate avec. Elle est niveau 17. Elle va plus vite que moi dans le leveling, ça commence à me faire peur. Donc ouais, voilà, c'était le petit coup de cœur du père JP de ce mois-ci, voilà. Voilà. Alors JPET, si tu nous écoutes, on te fait des gros bisous. Voilà. Vous savez, j'aimerais vraiment avoir un jardin ou mettre une paire de statues humaines. Alors pour la partie roleplay de ce mois-ci, on va s'intéresser à la vallée des héros. Vous savez, c'est ce pont avec 5 statues qui est au-dessus des douves d'Hurlevent. Si vous êtes devant, n'hésitez pas à faire un petit tour des statues. On va commencer par la statue tout au fond, qui est celle de Turalion. Turalion était un paladin, c'était le lieutenant, en quelque sorte, de Anduin Lothar. Tout ça se passe après l'ouverture de la Porte des Ténèbres, pendant le conflit entre l'Alliance et l'Ancienne Horde. Anduin Lothar, lui, était un vieux guerrier plein d'expérience qui avait rassemblé les différents peuples de l'Alliance, donc les nains, les hauts-elfes et les humains. Je n'écoute pas. Vers la fin de cette guerre, il y a une grande bataille au Mont Roche-Noir qui oppose l'Alliance aux orques. Et Turalion va assister au duel du chef de la Horde, Orgrim, Marteau du Destin, contre le champion de l'Alliance, donc Anduin Lothar. C'est un combat très très violent, et alors qu'il essaie de se frayer un chemin à travers le champ de bataille pour aller aider son maître, Turalion va assister à la mise à mort de Lothar, qui se fera fracasser le crâne par Orgrim avec son légendaire Marteau du Destin. Alors, Orgrim espère bien démoraliser toute l'Alliance en tuant son champion. C'est l'inverse qui va se passer, puisque Turalion va récupérer l'épée brisée de Lothar et va la brandir en criant pour Lothar, ce qui va motiver toutes les troupes de l'Alliance. Et les orques vont perdre la bataille et même la guerre. Turalion aura même l'occasion de défier Orgrim en duel et de le battre avec l'épée de Lothar. Il fera prisonnier Orgrim et il va ramener le chef vaincu à Lord Aron et l'exposer comme un trophée, un symbole de la victoire de l'Alliance. Beaucoup des orques qui suivaient Doomhammer vont être capturés au cours de cette bataille et on va commencer à les parquer dans des camps d'internement. Alors si vous regardez bien la statue de Turalion, vous pouvez voir qu'il tient une épée brisée, c'est celle de Lothar. Donc Turalion va devenir le nouveau champion de l'Alliance. Et Terenas Menethil, deuxième du nom, le roi de Lord Aeron, mais aussi le père d'Arthas, va le charger d'aller sur Draenor, et donc de traverser la Porte des Ténèbres, afin de s'assurer que les orques ne puissent pas attaquer à nouveau la planète des humains. Turalion va donc réunir plusieurs héros de la guerre contre les orques, et avec ses champions et une armée de vétérans, il va partir sur Draenor pour affronter les orques et tenter de refermer la Porte des Ténèbres. Il faut savoir que Turalion avait de gros doutes sur ses capacités à commander, même s'il a accepté la mission de Terenas, le père d'Arthas. C'est grâce à Aleria et aux autres champions qu'il va trouver en lui la force de diriger les troupes de l'Alliance. Maintenant, je vais vous demander de vous mettre dos à Turalion et de vous approcher de la première statue sur votre droite. Ce vieux barbu en robe, c'est Khadgar du Kirin Tor. C'était l'ancien apprenti de Medivh, le puissant mage qui était possédé par Ser Jerras. On avait parlé de lui dans la chronique de Gul'dan. Alors, Khadgar va comprendre le rôle de son maître dans l'invasion des orques. Avant d'être tué par son apprenti, Medivh aura le temps de lui lancer un horrible sortilège qui va transformer le jeune Khadgar de 17 ans en un vieillard. Ce qui explique qu'il ait l'air aussi vieux alors qu'il ne doit pas avoir plus de 30 ans au moment où il part pour Draenor. Alors, faut savoir que Khadgar a connu aussi Garona, la demi-orque qui va tuer le père de Varian, et que grâce à elle, il va apprendre pas mal de choses sur le peuple orque. Il faut savoir aussi que lorsqu'il vivait à Karazhan, Khadgar a eu des visions de son avenir, notamment une qui va se réaliser lorsqu'il va franchir le portail, la Porte des Ténèbres, pour aller sur Draenor. Ce sera une vision où il se verra en train de diriger une armée humaine dans la péninsule des Flammes Infernales. C'est aussi Khadgar qui va refermer la Porte des Ténèbres en utilisant les connaissances de son ancien maître, donc Medivh. Parce qu'il faut savoir que lorsque les fils de Lothar, lorsque tous ces champions et l'armée de l'Alliance débarquent sur Draenor, ils vont s'apercevoir que les orques sont dirigés par la Légion Ardente, et ils vont aussi se rendre compte que maintenant que Gul'dan n'est plus à la tête de la Horde, Ner'zhul a repris un peu du poil de la bête et qu'il a décidé d'ouvrir d'autres portails du même style que celui qui mène sur Azeroth vers d'autres planètes. Faut faire quelque chose. Quelqu'un a une pierre de foyer. Seulement, il faut une quantité phénoménale d'énergie pour ouvrir des portails Et Ner'zhul rompt l'équilibre des énergies de Draenor, à tel point que la planète est sur le point d'exploser. Khadgar comprend que la seule manière de protéger Azeroth, c'est de refermer la porte des ténèbres, et donc de sacrifier tous ceux qui l'ont suivi sur Draenor, tous ses compagnons de l'Alliance. Du côté d'Azeroth, on va penser que toute cette expédition est morte, et donc avoir fait de très belles statues à Hurlevent pendant la reconstruction d'Hurlevent. On a abordé cette partie de l'histoire dans la deuxième émission. Alors, certains doutent de la mort de ces champions quand même, ils se disent que de tels héros ne peuvent pas mourir même sur une planète qui explose, et donc ça explique les fameux présumés morts qu'on peut lire sur les plaques de chaque statue. Ils avaient bien raison de douter, puisque non seulement Draenor n'a pas été complètement détruite, une partie de ses continents dérive dans le néant distordu, c'est l'Outre-Terre qu'on connaît maintenant, et puis à la réouverture de la Porte des Ténèbres, on va retrouver certains de ces champions, notamment Khadgar, qui est actuellement à la Terrasse de la Lumière à Shattra. On va apprendre qu'il a continué à combattre aux côtés des Naru contre la Légion Ardente. Il est peut-être devenu maintenant un peu trop vieux pour être sur un champ de bataille, mais il a toujours toute sa tête, et il continue à encourager les différents peuples de la Horde et de l'Alliance, les Aldor et les Clairvoyants aussi, à s'unir pour lutter contre leurs ennemis communs. Alors maintenant, je vais vous demander de vous approcher de la statue qui est en face de Khadgar. Alors, il s'agit d'Aleria Courcevent, la plus grande des sœurs Courcevent. Elle vient de Kel'Thalas, c'est une haute elfe. Alors, les orques ont tué beaucoup de membres de sa famille, notamment son petit frère, Lyrath, qui admirait énormément ses sœurs et qui rêvait même d'être comme elle. J'aurais vraiment besoin d'un chouchou pour mes cheveux. Ce qui correspond un petit peu à l'idée qu'on se fait des mâles de lune d'argent. Depuis la mort de son frère, elle voue une haine farouche à la Horde. Elle est sans pitié avec les orques. Elle va quand même trouver un petit peu de réconfort auprès de Turalyon, avec qui d'ailleurs elle aura un enfant, Arathor, qui plus tard se fera appeler Arathor le Rédempteur. Donc, elle va partir pour Draenor, elle aussi, elle va accepter de suivre Turalyon, mais comme elle doit se douter quand même que cette mission est extrêmement risquée, elle décide de laisser un petit souvenir à ses sœurs. Il y avait un bijou qui passait de génération en génération dans la famille Courcevent, un collier qui était sorti de trois pierres, une émeraude, un rubis et un saphir. Elle va faire trois colliers à partir de ce bijou. Elle va garder l'émeraude. Elle va donner le rubis à Veressa, qui maintenant est avec Ronin, que vous pouvez voir à Dargaran, et le saphir à Sylvanas. C'est d'ailleurs ce collier que les Hordeux peuvent récupérer aux Terres Fantômes et ramener à Sylvanas pour lui faire pousser la chansonnette. C'est la très jolie et très émouvante complainte des bien-nés. Alors, c'est aussi, un très beau moment d'ailleurs en jeu. C'est un très très joli moment effectivement, avec des banshees qui dansent derrière, c'est joli comme tout. Alors on ne sait pas où est actuellement Aleria. Turalyon et elle sont les seuls héros de cette expédition dont on ne connaît pas vraiment le sort. On pense qu'elle a pu s'échapper avant que Draenor n'explose par un des portails que Ner'zhul avait ouvert, et qu'elle serait sur une autre planète avec Turalyon, ou peut-être qu'ils se sont séparés, on ne sait pas non plus. En tout cas, Blizzard a assuré que ces deux héros-là étaient vivants aussi. Voilà, donc peut-être qu'on les retrouvera dans une prochaine extension, la suivante, ou bien dans une encore plus éloignée. Peut-être en train de copuler tranquillement, en train de faire un bébé. Hein. En train de faire un petit frère à Arathor le Rédempteur, effectivement. Il est un peu pleurnichard, le petit Arathor. On peut le trouver actuellement au Bastion de l'Honneur, à la péninsule des Flammes Infernales. Je sais pas si vous l'avez croisé, mais il fait des allers-retours entre la taverne et le donjon. Et il dit, vous avez pas vu ma maman? Okay. Si, bien sûr, là-bas, elle est coincée derrière un rocher. Maman. Et comme son oncle, alors il voulait ressembler à ses tantes. Peut-être que lui a mieux réussi alors. Voilà, c'est ça. Il est aussi tante que son oncle. À côté d'Aleria, vous pouvez voir la statue de Danath Trogmor. Alors Danath Trogmor, il vient des royaumes de Stromgarde, en Arathi. C'est le neveu du roi Thoras, le roi de Stromgarde. Alors c'est un très grand guerrier, il a gagné beaucoup de batailles contre la Horde aux alentours de Forgefer. Avant que Turalyon ne vienne le chercher pour le suivre sur Draenor, il s'occupait des fameux camps d'internement d'orques. En Outre-Terre, il va mener pas mal de batailles, il va même affronter le célèbre Kilrog œil mort. Alors, vous connaissez ce fameux sort du démoniste dont on a parlé, l'œil de Kilrog? Ouais. Et ben ça vient tout simplement de lui, c'est un hommage à ce chef orc qui était borgne. Je pense qu'il se fout un peu de sa gueule pour le coup. Il va aussi rencontrer un représentant du peuple des hommes oiseaux, les Aroka. Il va aussi rencontrer les Draenei, il va explorer Ushindoun aussi. Voilà. On peut le trouver actuellement au Bastion de l'Honneur, à la péninsule des Flammes Infernales. Et puis, grâce au joueur, il va apprendre le sort de son oncle, le roi de Stromgarde, qui a été assassiné, et de la ville de Stromgarde, qui est tombée aux mains du syndicat et des ogres. Et Danath s'est promis, une fois que la situation sera réglée en Outre-Terre, d'aller aider son cousin Galen, le fils de Thoras, donc, à reprendre la ville de Stromgarde. Voilà. Et enfin, le dernier, donc, qui est en face de la statue de Danath, il s'agit de Curdan Martohardi. Alors, Curdan était un chevaucheur de griffons. C'était le Tan du clan du Martohardi des Interland. Il chevauchait son griffon qui s'appelait Skyri. Ça a été traduit en Cielri, mais je trouve que ça ressemble un petit peu trop à un nom de légume pour être utilisé. Il servait simplement d'éclaireur. Il survolait les lignes ennemies et donnait des informations aux troupes de l'Alliance. Et il s'était fait une spécialité de tuer des dragons. Au moment où il part pour Draenor, il y a déjà 9 dragons à son tableau de chasse. Voilà. Actuellement, on peut le trouver à la Vallée d'Ombre Lune, à la base de l'Alliance, le bastion du Marteau Hardy, avec son griffon. Il n'est pas très très actif, il termine juste une quête où on combat le Conseil des Ombres. Voilà. Alors, ce qui est un peu tragique, c'est que la plupart de ceux qui ont rendu hommage à ces héros, ceux qui ont écrit les petits textes que vous pouvez voir au-dessous des statues, n'étaient même plus là lorsqu'on a retrouvé Khadgar, Danath et Curdan. Puisqu'il y avait Antonidas qui rendait hommage à Khadgar, par exemple, qui a été tué à la chute de Dargaran par Arthas. Il y avait Uther qui rendait hommage à Tyrallion, qui a été tué par Arthas lui aussi. Il y a aussi Thoras qui rend hommage à son neveu, qui lui aussi a été assassiné. Voilà. En gros, c'est le piège, il fallait pas signer en fait. Il fallait pas mettre un petit mot, sinon ça veut dire que t'allais crever. C'est ça, voilà. On avait proposé à Jaina, elle a dit non, je préfère laisser Antonidas. Et elle a bien fait. Elle est maline. Celui qui se porte bien, c'est Falstad, par contre, le frère de Curdan. Lui, en revanche, je suis pas certain qu'il se réjouisse vraiment du retour de son frère, puisque à la mort présumée de son frère, il avait pu prendre la tête du clan des Martohardi. C'est sympa de savoir un peu l'histoire de ces statuettes parce que c'est vrai que quand tu rentres dans Hurlevent, enfin moi c'est l'entrée de capitale que je préfère. T'arrives, t'as les statuettes en face de toi, derrière t'as la cathédrale et t'as la méchante musique qui part. C'est des statues, pas des statuettes. Ouais, les statues, pardon. Parce que vu la taille des trucs, bon, je veux bien, mais quand même. Ouais. C'est vrai. Et c'est vraiment un grand moment en fait, moi je trouve. La première fois que je l'ai vu, je fais waouh. C'est ça, tu sens que t'es vraiment dans la vallée des héros, quoi. C'est ça. Porte bien son nom, la vallée. Donc tout de suite, on va passer à la partie raid du mois. Préparer et optimiser son équipement, les coulisses des raid leaders, à qui profitent les raids, c'est tout de suite dans Wotaku. Pour le raid du mois, Ludo nous a préparé un petit dossier sur comment bien se préparer pour un raid, comment bien appréhender le raid. Ça peut être intéressant en fait de vous expliquer comment on peut arriver à acquérir en fait un bon équipement pour commencer un raid dans de bonnes conditions. Il n'y a pas vraiment de secret, la base de l'équipement vous le récupérez pendant votre phase de leveling, donc le moment où vous allez justement prendre des niveaux et faire des quêtes en chaîne. Alors ensuite, faites appel à des artisans selon ce que vous avez sur vous et selon ce que peut vous proposer l'artisan, vous pouvez garder pendant très très longtemps une pièce d'armure ou une arme. Ça peut être assez puissant. Bien sûr, les trois quarts du temps, ce sera à vous de fournir les composants. Donc là, soit les récupérer aux enchères si vous pouvez pas les récupérer dans le monde, sinon abattre en chaîne les mêmes monstres pour avoir les composants. Sinon, autre endroit où c'est relativement simple, mais ça va beaucoup jouer sur la chance, ce sera en instance. Donc là, quand on tombe des boss, souvent on peut récupérer des objets qui peuvent vous intéresser, qui peuvent compléter, on va dire, votre équipement. Une fois qu'on arrive au niveau environ 60, 70, 80, donc c'est des gros paliers, donc là, montez également vos réputations. Bon, pour le coup, dans le Norfandre, c'est beaucoup plus simple de monter sa réputation. Là, vous pouvez également débloquer à certains paliers, honorer, révérer ou exalter des très bonnes pièces d'armure, des très bonnes armes. Ça aussi vous pouvez garder assez longtemps. Donc n'hésitez pas, ne mettez vraiment pas de côté la partie réputation parce que ça peut vous apporter un vrai plus. L'autre intérêt aussi de monter ses réputations, donc monter en révéré ou en exalté, c'est qu'on peut obtenir des gemmes ou des enchantements. Bon, alors les gemmes ce sera plutôt sous forme de plans, donc là ce sera utile aux joailliers. Et donc là, souvent, les de bonnes âmes, ça se récupère donc via la réputation, via des plans réputation. Ça permet justement de booster également n'importe quelle caractéristique de votre personnage. Et les enchantements, en fait, ce sera des objets que vous pouvez utiliser une seule fois. Alors ça peut être sur la tête, sur les épaules, ou sur les jambes, etc. Et ça va vous apporter des bonus. Ensuite, au niveau 70 et 80, bon ben là, il n'y a pas de secret, c'est les mêmes instances, mais en héroïque. Donc là, ça va vous apporter du matériel encore mieux et souvent de l'épique. Donc là, je pense que vos premières pièces épiques, vous les aurez en instance héroïque. Et pour commencer, voilà, un raid en bonne condition, on va dire que pariez plutôt sur un équipement épique entre ce que vous pouvez obtenir via les réputations et ce que vous pouvez obtenir également via les instances héroïques. Donc là, ça vous permettra d'avoir une petite base en fait pour les premiers raids. Alors il y a aussi tout ce qui concerne les consommables. Donc les consommables, ça peut être des élixirs, des potions, de la nourriture. Donc ça, c'est pas forcément mettre de côté parce que ça peut apporter des bonus sympas. Donc si vous pouvez, ce que je vous recommande fortement, c'est de monter la cuisine, quelle que soit votre classe. Ben voilà. Le meilleur conseil que je peux donner, encore une fois, ben, c'est aller lire les forums spécialisés enfin, les forums de votre classe et prenez les messages par rapport à votre spécialisation. Là, vous allez avoir tous les détails. Parce qu'il y a des gens qui passent leur journée à ça, d'accord, surtout les Américains. C'est leur délire, justement, de chercher le meilleur équipement par rapport à une spécialisation. Je trouve ça un peu dingue, moi, perso. Bon, d'accord. Ben, mec, à la fin, on a l'impression que c'est plus un boulot de l'INSEE ou d'un statisticien. Complètement timbré qu'un jeu quoi à la fin, tu vois, c'est faut aller au poil de cul près, enfin d'accord, t'as un équipement parfait quoi, ouais, oui, parce que tu fais pas de raid, je pense c'est pour ça. Parce, admettons on prend l'exemple d'un boss qui est le Rokujun Extramas. Donc tu redis ce qu'il fait, c'est en fait c'est un boss qui tape très très fort et on a 5 minutes pour le tomber. Donc si tu prends des personnes qui ne sont pas forcément optimisées pour du raid, ils vont pas faire assez de dégâts sur le boss pour le tomber en 5 minutes. Si tu commences à avoir des personnes qui sont optimisées, donc là qui vont plutôt s'intéresser au meilleur équipement par rapport à leur classe, à monter les bonnes statistiques, tout ça, tu vas décupler la puissance du groupe par 2, 3, voire 4, voire 5, parce que les gens ont fait un minimum d'efforts de recherche pour augmenter les stats les plus importantes et savoir optimiser leur perso en fait. Ben, en fait après ben, c'est normal parce que c'est du raid, le raid faut y aller quand même minimum préparé. Si maintenant t'as pas envie de te préparer, dans ce cas là tu fais des instances à 10, à 5. Dans ce cas là oui, tu vas les mettre dans les poches sans préparation, tu t'en fous, limite. Et le dernier point que je tenais fortement à souligner quand même, c'est respecter son raid leader et vos collègues de jeu dans un raid. Parce que ben, les raid leaders ce sont des joueurs comme vous, ils passent énormément de temps à préparer les stratégies, à relire, à mettre en place des stratégies via vos forums de guild. Donc là c'est d'autant plus intéressant de participer aux discussions qui se font sur les forums de guild par rapport à une stratégie adoptée ou à des placements à tester. Si vous commencez à détruire un par un les arguments du raid leader devant tout le monde, ben lui il va perdre en crédibilité et donc il va avoir d'autant plus de mal à se faire écouter. Et donc là, dites-vous bien que c'est la mort du raid, parce que si plus personne n'écoute le raid leader, le raid est fini, tout le monde va faire n'importe quoi. Et puis également c'est une marque de respect dans le sens où ben, vous lui dites simplement, vous le contactez en privé, vous lui dites ben voilà, par exemple pour telle stratégie, moi j'aurais plutôt fait comme ça, parce que si, parce que là. Si je peux juste me permettre, je ne te permets juste rien du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets. Hein? Voilà, simplement vous lui dites comme ça, ça m'étonnerait fortement qu'il prenne mal, au contraire, si vous l'amenez la chose correctement, bah, il prendra souvent en compte vos remarques, et souvent vous pourrez être amené à modifier une stratégie grâce à vos remarques si vous butez sur un boss. Voilà, donc c'est si vous respectez bien ces 4 points, donc l'équipement, l'optimisation de l'équipement, donc tout ce qui est gemmes, enchantements et calligraphie, préparer les stratégies et respecter et surtout écouter son raid leader tout au long de la soirée, même si vous dites un truc qui vous semble aberrant, faites-le quand même, parce qu'il Peut-être que lui, il a une façon différente de vous de faire, et ça fonctionnera mieux si vous l'écoutez. C'est beaucoup plus simple, et c'est beaucoup plus facile à gérer quand vous avez une équipe de 24 personnes qui vous écoutent. Même si vous foncez droit dans le mur, c'est pas grave, au moins vous le faites ensemble. Parce que s'il y en a qui commencent à la droite, l'autre à gauche, alors qu'il faut tous rester en place, ça va être très difficile de reprendre le contrôle de la situation, et le trois quarts du temps, ça finit en ce qu'on appelle en wipe général, donc tout le monde crève, et en fait que mourir en chaîne tout au long de la soirée. Donc voilà, mais sinon, les raids 25, quand vous aurez un peu l'habitude, parce que c'est vrai que les premiers temps, vous allez faire « Oula, ça va un peu vous faire peur », mais au final, les raids 25, c'est vraiment des bonnes sensations, et on s'amuse vraiment. Puis en même temps, c'est un peu le endgame de World of Warcraft. Bon voilà, les raids 25, c'est bon, mangez-en. Et tout de suite, nous allons passer à la partie pierre de foyer. Pour la partie pierre de foyer de ce mois-ci, on va commencer par une espèce de petit sondage qui est sur le forum de discussion générale de Blizzard. C'est un sondage sur les lieux préférés des joueurs en Azeroth. Alors il y a plein de petites réponses sympathiques. C'est toujours intéressant de voir ce que les gens aiment dans une région. Et du coup, j'en profite pour demander à mes deux camarades, JP par exemple, quelle est ta région préférée, toi? En Azeroth, je dirais, ça va paraître bizarre, j'adore Tanaris, hein, et en Outre-Terre, c'est Marrakech de Zangar, voilà. D'accord, pour le côté bleuté, les champignons, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Non, je trouve que c'est une région graphiquement, elle est super, parce que c'est le ton bleuté, un peu sombre, c'est très joli, enfin, voilà. Et toi, Ludo? Alors, en Azeroth, il y a plusieurs coins que j'aime bien. Un que j'aime le plus, je crois, ça devrait être Feralas. Parce que c'est nature un peu sauvage, c'est très vert et c'est très beau. En Outre-Terre, c'est Nagrand. Parce qu'encore une fois, c'est la nature, c'est sauvage, c'est très beau. Et de très beaux, très belles cascades. Ça, j'adorais en fait les cascades, l'eau qui tombe du ciel pratiquement, les îles en lévitation. Et en Orfandre, c'est... comment ça s'appelle déjà? Je l'appelle, ça me fait penser à la Suisse, moi, en fait. Les Grisons. Les Grisons, voilà, exactement. Alors, les Grisons, j'adore. Très vert, tout ça, c'est franchement magnifique. T'es sûr que c'est pas le Fjord Hurlant, t'es sûr? Non, c'est les Grisons. Et les Fjords Hurlants aussi, c'est franchement très beau, aussi. J'aime beaucoup. Mais à choisir entre les deux, je prendrais les Grisons. Voilà, si vous aimez ce genre de réponse, si vous aimez écouter, plutôt lire, les joueurs qui parlent de leur région préférée, eh bien, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le forum de discussion générale. Alors, ensuite, on a une petite planche de bande dessinée, et un blog, du coup. En fait, en fouillant sur Judge Hype, j'ai trouvé une bande dessinée, une petite planche, d'une certaine Tila. Alors, j'ai tout de suite tapé sur Google Tila World of Warcraft, et j'ai découvert qu'elle avait un blog. Elle parle, par contre, un peu plus de son quotidien. C'est toujours intéressant pour ceux qui aiment les BD blogs. Et puis pour vous prouver qu'il n'y a pas que les filles qui font des BD blogs, je vais vous parler de l'Odyssée parisienne d'un petit belge, qui est le BD blog de Ologin, qui est un des membres du HS. Voilà, donc pareil, il parle de jeux vidéo, il parle de cinéma, et un petit peu de World of Warcraft, donc si ça vous plaît, si vous aimez ce genre de dessin, allez-y, l'Odyssée parisienne d'un petit belge. Je prends l'accent belge? Non. Allô? Alors, pourrais-je parler à Monsieur Leblanc juste une fois? Ensuite, il y a les fameux RPG de World of Warcraft. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les RPG papier, ça vous dit quelque chose? Que de nom et encore. Que de nom et encore, d'accord. Alors, il faut savoir que Blizzard avait sorti une version papier de Warcraft et ensuite de World of Warcraft. Donc, ce sont des jeux de rôle comme Donjons et Dragons qui se jouent autour d'une table. C'est sorti seulement en version anglaise. Et donc, quelques joueurs se sont attelés à la traduction de ce jeu de rôle en français. Et j'ai retrouvé un de ces joueurs qui est un petit peu l'érudit sur le forum jeu de rôle de Blizzard. Il s'appelle Telenil et puis j'ai pu l'interviewer. Ah voilà, ça dure une quinzaine de minutes. On apprend pas mal de choses sur l'univers de World of Warcraft et sur ce RPG papier. Voilà, on y va. Salut Telenil. Bonjour Brock. Bon, comment ça va? Eh ben, très bien. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie, ça me fait plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des livres? Déjà, est-ce qu'ils ont un nom, en dehors des jeux de rôle papier peut-être? Alors, les livres s'appellent Warcraft RPG ou World of Warcraft RPG indifféremment. C'est un jeu de rôle papier qui utilise les règles de Donjons et Dragons 3.5. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, ça se joue à 4 ou 5, parfois plus. Parmi les joueurs, il y a un maître du jeu qui crée à l'avance une aventure avec un scénario, des ennemis, des récompenses. Et il raconte cette aventure aux joueurs qui réagissent au fur et à mesure de l'aventure. Et en fonction de leurs actions, ils peuvent triompher, échouer. Le maître du jeu joue tous les personnages hormis les joueurs, alliés, ennemis, civils. Les joueurs ne savent pas de quoi ils retournent avant de commencer l'aventure, évidemment. L'intérêt du jeu de rôle papier, bien sûr que, puisque c'est un joueur qui crée l'histoire, on peut lancer n'importe quel scénario, c'est-à-dire le maître du jeu peut inventer un complot des FIAS dans la forêt d'Halloween, par exemple, et il n'y aura pas de limitation de gameplay, c'est-à-dire dans le jeu vidéo, une fois qu'on a tué un monstre, le monstre réapparaît et rien ne s'est changé au final. Tandis que le maître du jeu peut intégrer les actions des joueurs à sa campagne. Par exemple, si les joueurs parviennent à éliminer un des lieutenants de Van Cleef, eh bien, à la séance suivante, Van Cleef voudra se venger ou tentera de recruter quelqu'un d'autre. Les actions des joueurs auront une conséquence sur la suite. Et puis, un autre avantage, c'est qu'on n'est pas limité par le choix des classes et des races qu'il y a dans World of Warcraft, le jeu vidéo. Et par exemple, il existe des variantes des classes. Par exemple, si on veut faire un mage qui est spécialisé dans les sorts élémentaires, c'est possible. Si on veut créer un ingénieur qui est spécialisé dans le maniement des déchiqueteurs gobelins, par exemple, il y a aussi des règles pour ça. Pratiquement toutes les races humanoïdes qu'on voit dans World of Warcraft sont jouables. Les satyres, les nagas, même les murlocs. Le RPG donne une présentation de l'histoire des races, de leur organisation même. Par exemple, on sait que les murlocs sont arrivés sur Azeroth il y a assez peu de temps, partout à la fois. Qu'ils vénèrent des animaux de la mer qui leur paraissent puissants, qui sont proches d'eux. Et ça donne aussi les raisons pour lesquelles un murloc voudrait pouvoir partir à l'aventure. Alors ça m'intéresse, quelles sont ces raisons? Les murlocs sont une race qui fait passer le plus grand nombre avant l'individu. Donc si un murloc voit sa tribu menacée, ou s'il pense pouvoir trouver à l'extérieur quelque chose qui permettra d'améliorer le sort de sa tribu ou de sa race, il va se joindre à un groupe d'aventuriers, pour peu que ce groupe d'aventuriers ait des buts compatibles aux siens, évidemment. Alors, la langue des Murlocs, c'est, je crois, le Nerglish, qui est effectivement une langue que peu d'aventuriers parlent pour des raisons évidentes. Mais les Murlocs sont, en dépit des apparences, assez intelligents pour apprendre d'autres langues. C'est expliqué aussi dans le RPG. Et donc ils peuvent tout à fait apprendre le commun ou d'autres langues, mais généralement le commun, puisque c'est ce que parle le plus de monde. C'est sorti en quelle année ces jeux-là, enfin ce jeu de rôle papier? Le premier est sorti, je crois, en 2003, c'est-à-dire qu'il a été écrit avant la sortie de The Frozen Throne. Et il y en a qui sont sortis un ou deux par an jusqu'en 2006. Et le dernier est sorti tout récemment. Est-ce que tu sens que le dernier, par exemple, se nourrit de World of Warcraft, ou pas, enfin, du jeu vidéo World of Warcraft? Oui, les premiers étaient basés sur ce qu'on voit à la fin de Warcraft 3, c'est-à-dire on arrive dans un Kalimdor sur lequel on sait pas grand-chose, on a deux cartes et c'est tout. Et au fur et à mesure que le développement de World of Warcraft avançait, il y a eu de plus en plus de détails qui ont été rajoutés, jusqu'à ce que dans les derniers RPG qui sont sortis, on intègre les événements de World of Warcraft, comme l'apparition des Silithides, par exemple. Tu parlais des races inédites, enfin des races jouables dans RPG. Mais est-ce qu'il y en a justement qu'on n'a pas encore vu dans le jeu vidéo ? Il y a assez peu de races complètement inédites. Par contre, il y a des races finalement peu développées sur lesquelles on a pas mal de précisions. Par exemple, les hommes cochons de Kalimdor, les Uran, je crois. Uran, enfin oui. Ouais. Sont pas mal développés. On a, comme avec les Murlocs, des informations sur leur structure tribale, sur leur façon de se battre. Ils se battent les uns avec les autres. La mort d'un allié les exalte. On apprend qu'ils ont une version particulière de chaman, qu'ils appellent les tisseurs d'épines, avec des pouvoirs propres à leur race. Est-ce qu'il y a des personnages secrets ? Des personnages qu'on n'a pas encore découverts, ou peut-être qu'on ne découvrira jamais dans le jeu vidéo ? Alors, bien sûr, il y en a quelques-uns. Il y a par exemple il y a la famille de Jaina. Il y a sa demi-sœur dont on a beaucoup parlé à la suite d'une interview de Medzen, qui est une demi-elfe et qui, d'après le RPG, mais pas d'après Medzen, menait une guérilla dans les Maltaires contre le fléau. Et il y a aussi le frère de Jaina, le Tandred Proudmoor, qui est actuellement le seigneur de Kul Tiras depuis la mort du grand amiral contre les orques. Peut-être qu'on va entendre parler de lui quand même, avec une expansion. Ouais, voilà, la prochaine expansion. Une expansion sur la mer du Sud, ouais, c'est possible. Ouais. Les RPG qui donnent le plus d'informations intéressantes sont Lands of Conflict, qui décrit les terres de l'Est, Lands of Mystery, qui décrit le reste, et Horde Player's Guide, qui donne pas mal d'infos nouvelles sur la Horde. Et Dark Factions, qui parle de factions comme le Cercle de la Terre, dont on ne sait absolument rien par ailleurs. D'accord. Ça correspond à quoi, le Cercle de la Terre ? C'est des chamans, une organisation de chamans qu'on voit à différents endroits du jeu. Et ils sont en partie responsables pour avoir fait rentrer et réprouver dans la Horde, je crois. D'accord. Donc, ce serait lié à Magatha, donc, c'est ça ? Ouais, Magatha a une influence au sein du Cercle de la Terre. En gros, ou l'anneau de la Terre, je ne sais plus quelle est la traduction. D'accord, en gros, ce serait un petit peu le cercle scénarien, mais chamanique, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Très bien. Le RPG est une source d'informations énorme. Il y a des centaines et des centaines de pages sur l'univers. Beaucoup de choses ont été annoncées dans le RPG et ont été transplantées ensuite en jeu. Même des détails triviaux, comme le fait que les yeux des Chevaliers de la Mort brillent, par exemple. C'était précisé dans le RPG. Et on avait une description de Northrend, alors qui n'était pas d'actualité puisque ça se passe plusieurs années avant l'arrivée de l'Alliance et la Horde, mais qui nous donnait les régions, avec les trolls à Zuldrak, les Furbolg dans les collines, les Kaskala, la capitale des... Comment ça s'appelle ? Les Toscars, les... Oula, ah oui, les hommes morts, là. Ouais, bref. Donc les morts existaient déjà dans le RPG ? Absolument. Ah ok. Et leur capitale était à la même place, dans la toundra boréenne. Mmh. Et comme toutes les races humanoïdes dont on entend peu parler en jeu, on a une description de leur société. Ces hommes morts ont une grande particularité, ce sont de très bons pêcheurs, on le voit en jeu. Et pour eux, la pêche n'est pas simplement un moyen de survivre, mais un guide moral. Ils estiment que quelqu'un qui pêche est forcément un type bien, qu'on ne peut pas pêcher correctement si on est quelqu'un de malfaisant. Donc on apprend que leur apporter du poisson est un bon moyen, est un bon gage pour pouvoir négocier avec eux. Puissent vos filets être toujours pleins. Je sais que c'est écrit partout, en fait, que Medzen s'implique beaucoup s'implique dans l'écriture des romans et autres livres de jeux de rôle. Pratiquement chaque auteur précise dans ses interviews que Medzen a répondu à ses questions, parfois a donné des idées. Alors je sais pas si ensuite Medzen se resserre de tout ce qui a été écrit par les auteurs ensuite. J'imagine que s'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'histoire qu'il a l'intention d'écrire, il ne le garde pas. C'est un petit peu dommage parce que dans ce cas-là, on ne sait plus. Comment dire ? On ne sait plus quelle source est la bonne, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Moi j'ai découvert ça récemment, c'était que tu avais, tu t'étais lancé dans une traduction du jeu de rôle, c'est ça? Ouais, alors c'est, enfin en réalité ça remonte à il y a plusieurs années, c'était peu après la sortie des RPG. Alors je suis tombé sur un forum, complètement par hasard, sur un message de quelqu'un qui s'appelait Proteus, et qui avait envoyé un message à Blizzard, il savait qu'il n'y avait pas de traduction prévue du RPG, donc il avait envoyé un message à Blizzard demandant s'il était possible de traduire le RPG en anglais, et Blizzard a répondu que bien sûr, il serait ravi que la communauté profite des informations du RPG tant qu'on le faisait gratuitement. Et donc le projet a commencé, on a traduit la plupart du tout premier livre avant qu'on commence à partir un peu chacun de notre côté. Et puis j'ai retrouvé un peu par hasard cette liste de traduction il y a quelques mois. Et puis je la complète de temps en temps quand je retombe sur un texte qui me paraît intéressant. Ta dernière traduction par exemple, c'était quoi ? Ma dernière traduction, c'était le plan élémentaire, c'est-à-dire la prison d'où vient Ragnaros, en fait, dont Ragnaros a été délivré il y a quelques siècles. Et donc, dans ce plan, il y a encore les trois collègues, entre guillemets, de Ragnaros, donc le seigneur de l'eau, de la terre et du vent. Et en ce moment, je travaille aussi sur la description du rêve d'émeraude. D'accord. Il y en a à peu près aussi long que sur le plan élémentaire, où est décrit le domaine d'Isera et où on a une brève description du cauchemar. Et où est-ce qu'on peut retrouver ces traductions ? Quand elles seront faites, je les posterai bien sûr sur le forum jeu de rôle officiel. Bon, on attend ça avec impatience. Eh ben écoute, il me reste plus qu'à te dire au revoir alors, merci pour tout. Eh ben au revoir. Oui. Sur le forum jeu de rôle. Ouais, est-ce qu'il y a une manière de dire au revoir que Stratego Télénil aurait peut-être Non. Que la lumière vous guide. Que la lumière vous guide. Très bien. Bon, bah écoute, merci beaucoup et puis à bientôt. Salut. Salut. Télénil n'est pas seulement un traducteur, c'est aussi un écrivain. Il a travaillé sur une série de textes aussi qui raconte la campagne des elfes de sang dans Warcraft Frozen Throne du point de vue d'un des soldats de l'armée de Lune d'Argent, de l'armée des elfes de sang. Nous vivons des heures vraiment très sombres. C'est aussi très sympathique de redécouvrir Frozen Throne de cette manière-là. Et puis enfin, pour terminer, il y a Captain Placeholder. Alors je sais pas comment il s'appelait en français, je fais quelques recherches mais je n'ai pas trouvé. Bon, ce capitaine, c'est un PNJ qui avait été créé à l'époque de la bêta de World of Warcraft parce que le bateau qui reliait Oberdin à Menethil, si je dis pas de bêtises, avait tendance à planter en chemin, donc les joueurs ne pouvaient pas aller d'un continent à l'autre. Et ce PNJ, qui était le capitaine Placeholder, donc, vous téléportait directement, si vous étiez à Menethil, il vous téléportait à Oberdin. Il y avait un autre capitaine du même genre à Oberdin. Apparemment, je crois que quand le jeu a été lancé, quand World of Warcraft a été lancé, il y a eu encore quelques bugs avec le bateau qui relie les deux côtes. Alors pour s'assurer que les joueurs puissent continuer à jouer, Blizzard avait gardé ce PNJ, et puis quand les bugs ont été réparés, le PNJ a disparu. Mais il a gardé quand même une grande place dans le cœur de beaucoup de joueurs, à tel point qu'il y a une chanson qui avait été écrite pour lui. Cette chanson, elle est très jolie, c'est une balade. Voilà. Donc la vidéo est sympathique. Allez jeter un coup d'œil aussi. Voilà. Bon, bah, Ludo, tu enchaînes, c'est ça ? Tu vas nous parler de quoi maintenant ? Eh bien, je vais vous parler des add-ons terriblement efficaces. Terriblement efficaces. La, li, la, li, la, li, la, li, la. En abrégé, c'est la classe. La, li, la, li, la, li, la, li, la. Caché derrière ton pseudo. Ludo et JP, vous avez quoi pour nous ce mois-ci ? On aimerait bien vous parler d'un add-on qu'on aime bien JP et moi, c'est X-Perl. Bon, je pense que beaucoup de personnes doivent le connaître. C'est un add-on qui va modifier en fait votre interface de groupe, solo et de raid. Donc ça va surtout modifier tout ce qui est apparence et barre de vie en fait. Déjà, on peut jouer sur la grosseur en fait de la fenêtre de groupe, de raid ou solo. Et uniquement celle-là, pas sur toute l'interface, mais que sur celle-là. Donc on peut l'agrandir, ou au contraire, si c'est, on a envie de la réduire, bon, on peut la réduire tranquillement. Dessus, on peut rajouter, pour tout ce qui est groupe et solo surtout, le nombre de points de vie qu'a perdu l'allié, le nombre de points de vie qui lui reste, le pourcentage qu'il a perdu. Et au niveau du raid, ça va nous afficher des petites cases, en fait, de comme on connaît tous les petites cases. Et là, avoir beaucoup plus d'infos que l'interface de base. Donc là, encore une fois, on peut retrouver tout ce qui est pourcentage, tout ce qui est buff et debuff, le nombre de points de vie perdus, etc. Vous pouvez également gérer la taille des icônes d'amélioration et de malus de votre cible, de la cible, etc. Les vôtres également, vous pouvez gérer également la position si vous préférez que ce soit au-dessus, en dessous, à gauche ou à droite. Pour la fenêtre des familiers aussi, je crois que c'est assez sympa parce que dans l'interface de base, admettons si on a un chasseur ou un démoniste dans le groupe, ben, la fenêtre du familier on l'envoie en tout petit. Alors que là on pourra avoir le choix de l'avoir en beaucoup plus gros et pareil avoir les stats dessus, savoir combien il a perdu de vie, combien il lui reste de vie et son pourcentage. Ce qui est important aussi, c'est l'import et l'export de profil. Donc par exemple, vous prenez votre personnage principal, vous configurez tout. Et le problème, c'est avec les add-ons, c'est que si vous changez de perso, il faut reprendre toute la config. Donc là, Xperl gère lui-même tout ce qui est profil. Donc c'est-à-dire, si vous prenez un personnage secondaire, donc un rôle, et que vous voulez la même configuration que votre personnage principal, ben c'est très simple, en deux clics, vous dites, ben voilà, je veux prendre la configuration de mon personnage principal, et lui-même, il va recharger tous les paramètres. Là, on peut gagner de précieuses minutes, surtout si on a beaucoup de personnages à jouer. Tu vois d'autres choses à rajouter, JP, pour Xperl? Le bouffeur de mémoire par excellence, le petit portrait 3D. Ouais. Ah oui. Dans le petit bonus, je dirais, que permet Xperl. Moi, j'aime bien parce que bon, j'ai une machine qui dépote quand même. Hein. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un portrait un peu tout moche de votre personnage, vous avez droit à un petit soit un portrait fixe en 3D de votre personnage, soit un portrait mouvant de votre personnage. Donc, s'il y a des mouvements de tête, eh bien, il va bouger aussi. Si vous changez de casque, il va changer. Si par exemple vous êtes en train de courir, ben, vous allez voir qu'il bouge un peu, je crois, d'indigne de gauche à droite, ça veut dire qu'il court. Pareil s'il se bat, etc. Pour un joueur qui fait pas de raid, c'est un peu un truc juste graphique, quoi, c'est histoire de changer un peu. Changer le style graphique de la barre, c'est-à-dire le genre craquelé, les textures de la barre, la couleur, possibilité de rajout de barre, genre la barre d'XP, au lieu de l'avoir en bas sur les compétences, on peut l'avoir en haut en pourcentage. Voilà, pareil pour la réputation. C'est des petits plus sympathiques, je dirais. C'est pas des trucs hyper importants forcément, mais c'est sympa. Mais bon, c'est vrai que les premiers temps, quand vous allez l'installer la première fois, que vous allez rentrer dans le panneau d'administration de la donne, vous allez faire oula. Enfin, c'est pas compliqué à comprendre, parce que bon, sur le test, on voit ce que ça fait. Mais quand ça peut être très déroutant, effectivement, en ouvrant la fenêtre d'options, de se retrouver avec tous les onglets, les trucs à cocher, les petites barres à manipuler, on peut vite se retrouver dans un bordel monstre et... Bah, je pense qu'il faut bien tabler sur 10 minutes au moins la première fois pour tout correctement configurer et faire quelque chose à sa sauce en fait. D'accord. Bien que je pense qu'il y en a qui vont passer le triple du temps sur les textures des barres à changer, à rechanger. Parce que je faisais au début. Ouais, pareil. Sinon, si ça peut vous intéresser, j'ai un autre add-on qui c'est Bankitem. C'est un add-on en fait qui te permet de voir depuis n'importe où dans le monde le contenu de ta banque et de ta banque de guild. Chaque fois que vous allez dans votre banque de guild, il va prendre une photo de votre banque, donc c'est-à-dire tout ce que vous allez poser, tout ce que vous allez prendre. Il va prendre une photo, en fait, une fois que vous allez fermer la fenêtre, et vous pouvez voir à n'importe quel moment, et à partir de n'importe quel personnage, même sur un autre royaume, le contenu de la banque de votre perso. Si, admettons, je sais pas, vous recherchez, vous avez plusieurs persos, même sur plusieurs royaumes, et vous recherchez dans vos persos qui est de la barre de Saronite, vous avez une petite fenêtre, donc quand vous ouvrez la donne, une petite case recherche, et vous tapez donc le nom de ce que vous cherchez, donc barre de Saronite, et ça vous dit où se trouve de la barre de Saronite, que ce soit dans dans votre banque, dans celle de vos persos ou dans celle de guild, et combien il y en a et à quel emplacement. Et c'est bien en fait, moi quand je fais pas mal d'artisanat, bah, ça me permet de savoir qui a quoi en fait dans ses sacs, et si je dois faire un déco roco pour prendre mes persos pour m'envoyer du matériel en fait. Et ça c'est assez utile. Ou même savoir ce qu'il y a en banque de guild, hein, parce que parfois, s'il y en a 4 ou 5 anglais, il y a tellement de trucs, on sait même plus où on va, ben on fait une petite recherche directement dans la donne, on voit où ça se trouve et à quel anglais. D'accord, super. Moi j'ai toujours été dans des guildes de pauvres sans onglets, alors ça va être pratique. Non mais même pour tes persos JP, hein, c'est franchement utile. Où est-ce qu'il y a du maroilles? Ah bah tiens, en plus. Bande d'attardés du sud, va. Et voilà, enfin, moi je vous le conseille vraiment, bon kit item, très simple d'utilisation, rien à configurer. Après si vous voulez configurer, ben, vous pouvez, il y a 2-3 options assez sympas, mais c'est vraiment excellent. Et maintenant, restez bien en ligne, on passe au coup de cœur et au jeu vidéo du mois. On y va. Voilà, et ben écoute, JP donc. Qu'est-ce que tu as pour nous ce mois-ci dans ta besace? C'est Football Manager 2009. Depuis le temps que j'avais envie de le faire. Raymond Domenech Online, donc on t'écoute JP. Oui, ouais, ça... Sur non spawn line en plus déjà, donc je vais parler un peu de ce jeu. C'est le simulateur Excel de football en fait. Donc le but du jeu, ben, c'est vous prenez une équipe, vous gérez les transferts, vous gérez les finances du club, vous jouez les matchs. Bon, les matchs, vous les jouez pas directement. C'est vous regardez des petits ronds de couleur qui se passent une balle et qui essaient de marquer des buts. Voilà. C'est très réaliste en fait. Enfin, c'est le nec plus ultra du jeu de management de foot. Donc voilà, je dirais juste mais ça. En fait, c'est comme... C'est comme genre un SimCity mais pour le foot. SimCity tu commences de zéro dans un dans Football Manager tu peux très bien prendre le plus grand club en Europe, je sais pas moi, Manchester ou Chelsea, enfin avec qui peut te donner des millions et des millions et là tu vas créer la Dream Team en achetant les meilleurs joueurs. Comme tu peux prendre le club le plus pourri de ta région en national et le monter jusqu'en Ligue des Champions, lui faire gagner la Ligue des Champions, enfin c'est ta tes joueurs. Tu peux personnaliser ton jeu en rajoutant des skins, c'est-à-dire en changeant l'apparence de l'interface. Tu peux rajouter des photos de joueurs à la manière des Panini, enfin des photos Panini. Tu peux rajouter les logos, tu peux rajouter les maillots. Enfin, et ça, tout autour du jeu, t'as une grande communauté qui s'est créée. Donc déjà les graphistes qui créent les skins, les maillots, les logos. T'as les joueurs un peu comme je le suis, c'est-à-dire les joueurs qui vont créer des histoires à travers le jeu. Il y a beaucoup de forums qui sont créés sur internet pour ce jeu-là, que ce soit les stories comme on dit, les histoires que créent. Et ça va très loin parce que les gens cherchent des scénarios pour genre le gars. D'anciens gangsters qui se relance dans le football, un gars qui a gagné au loto se décide à créer un club de foot. Enfin, niveau scénaristique, il y a des gens, ils sont très pointus, c'est vraiment un plaisir à lire. C'est des véritables romanciers, je dirais. C'est un jeu qui me tient en haleine des jours et des jours, je peux pas arrêter. Ma deuxième passion c'est le foot et c'est vraiment le jeu que je peux conseiller à tous les amateurs de football. Bon, mes deux compères ça les intéresse pas, hein. Ça me tue mais bon c'est pas grave. Alors ce mois-ci moi je vais vous parler de jeux en flash. Les jeux en flash ce sont les jeux qui se jouent dans le navigateur, Firefox, Internet Explorer ou Netscape, on l'a vu, hein. Il y a encore des gens qui utilisent pour Netscape. Les anciens. Voilà. on peut tomber sur de très très bons jeux, des jeux très prenants. Et moi je vais vous parler d'une série de deux jeux, j'espère qu'il y en aura une troisième, qui s'appelle The Last Stand. Vous avez un petit personnage donc qui est sur la droite de l'écran, qui est derrière une barricade, et de l'autre côté vous avez des zombies qui avancent. D'après l'histoire du jeu, toutes les nuits les zombies vont essayer d'attaquer votre base pour vous bouffer, et puis vous allez devoir les dégommer pour les en empêcher tout simplement. Donc, au départ vous avez juste un petit flingue, à la fin de la première nuit, que vous avez dégommé tous les zombies qui vous ont attaqué, vous pouvez donc soit rechercher d'autres survivants, soit rechercher des armes, soit réparer votre barricade si les zombies ont ont eu le temps de l'attaquer pendant la nuit précédente. Ça paraît assez simple comme principe. Au fur et à mesure, les zombies commencent à devenir un peu plus hargneux, un peu plus rapides. On croise des zombies obèses, des zombies moustachus, des zombies qui ressemblent à votre voisin parfois. Alors les survivants, faut pas trop compter sur eux parce que ce sont des gros manches, ils tirent assez mal, ils n'hésitent pas à se barrer s'ils ont peur. Donc vous avez des mitrailleuses à des moments, vous avez des fusils à pompe, des choses comme ça, donc c'est tout un arsenal qui est à votre disposition au fur et à mesure des nuits, jusqu'à l'arme ultime qui dégomme en masse, ça c'est très agréable à avoir. Il y a des petits trucs sympas aussi, vous avez un journal, votre héros tient un journal donc vous pouvez lire ses pensées du jour ou de la nuit. C'est un jeu qui est fait par Con Artist, Con n'a pas le même sens en anglais. C'est toujours le même héros donc pour le deuxième épisode, qui a une barbe ce coup-ci. On pensait qu'il était sauvé à la fin du premier épisode et en fait bien évidemment puisqu'il faut qu'il y ait une suite, ça s'est mal passé et donc il se retrouve à devoir rassembler des survivants et à devoir rejoindre la côte le plus rapidement possible, toujours en faisant des barricades la nuit, en se défendant et en fouillant les environs pendant la journée. Voilà. Il a amélioré certaines choses, notamment pour ce système de recherche, là vous pouvez choisir où vous recherchez, donc entre des armureries, des appartements et puis des magasins. Vous devez rapidement rassembler de la nourriture pour voyager d'une ville à l'autre. Et donc chaque nuit les zombies continuent à vous attaquer. Vous en rajoutez des petits trucs marrants comme le fait de pouvoir poser des pièges sur le chemin des zombies. Ce qui fait que des zombies vont être bloqués, ou bien il y a des mines aussi, il y a des trucs comme ça. Voilà, donc on dégomme du zombie et puis chaque partie dure environ une petite demi-heure. C'est quoi le nom en fait ? Ça s'appelle The Last Stand. Essayez-le, ça vaut le coup, c'est des bonnes parties de rigolade. Alors moi j'ai y a un jeu que j'aime beaucoup en fait, parce que qui devrait mettre tout le monde d'accord. Zelda 3, A Link to the Past. C'était un jeu qui était sorti sur Super Nintendo à l'époque. Ouais, c'est vrai que c'était la grande époque de la Super NES, là où c'était le combat entre la Mega Drive et la Super NES qui allait remporter le marché. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le mythique Zelda, c'est une licence Nintendo et un jeu d'aventure. Vous êtes le petit Link. Et en fait, le but du jeu, c'est de retrouver la princesse Zelda qui a été enlevée par le méchant Ganon. Tout le long de l'aventure, vous allez en fait récupérer des objets, ouais, c'est surtout des objets en fait qui vont venir étoffer votre équipement. En fait, c'est vraiment axé sur la découverte, sur les combats. Bon, les combats, c'est rien de très, rien de très recherché. Ça se limite souvent à des petits coups d'épée, utilisation d'objets ou un peu de magie. Et voilà. Puis donc, c'est assez dynamique aussi, je trouve. Et moi, ce que j'ai le plus aimé dans ce jeu, c'est en fait l'histoire. Bon, c'est sûr que Brock il va dire c'est cucu parce que c'est toujours pareil, on va sauver la princesse Zelda comme Mario. Mais Ah, c'est vrai que ça, j'avais pas remarqué, mais dans beaucoup de jeux Nintendo, tu devais chercher une putain de princesse. Alors, non, JP, la princesse n'est pas une putain parce que sinon, ça ne serait pas une princesse. Bref, au niveau de l'histoire, c'était aussi. Vous allez vous rendre dans des temples, je crois qu'il y en a 7 de temples en tout, pour libérer une genre de petite fée. Et à chaque fois que vous en libérez une, vous gagnez un peu d'énergie et vous montez un peu en puissance. Et aussi, ce qui est intéressant dans ces temples, c'est qu'à chaque fois, vous allez récupérer un nouvel objet très important qui va justement venir compléter votre collection et qui vous sera utile tout au long de l'aventure. Donc ça peut être par exemple un boomerang magique qui, quand vous le lancez, il va récupérer les objets hors d'atteinte. Ça peut être un grappin, des bombes, des nouvelles épées, tout ce qui est armure. Tous les jeux Zelda, ils sont vraiment attachants, ils sont vraiment prenants. Au niveau des graphismes, c'est assez coloré, ça fait assez enfantin et drôle. Ce qui faisait le charme du jeu à l'époque, c'était aussi simplement le gameplay, le fait de essayer de comprendre la logique d'un donjon, les énigmes. Alors, je sais pas qui construisait les donjons à l'époque, mais faire péter une bombe à un endroit pour que ça ouvre une porte à un autre endroit et puis vite arriver avec un grappin, ce genre de choses. Tu tâtais le mur avec ton épée pour savoir si ça sonnait creux ou si ça sonnait plein. Et si ça sonnait creux, hop, tu poses une bombe et ça ouvre un passage secret. La musique aussi, la fameuse musique. Ah oui, ouais, c'est vrai que les musiques c'est le cœur ça. Ça c'est comme Metal Gear, hein. C'est des musiques que tu ne peux pas oublier. Essayez-le, franchement, ça vient du fond du cœur. Ou plutôt rejouez-y, je pense, parce que beaucoup de gens doivent connaître. Ouais. Et bien voilà, je crois que nous sommes arrivés au terme de ce troisième podcast. Comme d'habitude, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à le faire. Bah merci à tous ceux qui nous ont laissé des commentaires sur les deux premières émissions, ça nous a fait vraiment plaisir. Moi je tenais à dédicacer cette émission à la maman de JP, à sa petite sœur, puisqu'on en a parlé aussi. Merci de nous écouter, vous êtes nos fans les plus fidèles et on apprécie vraiment. Ouais, voilà, merci d'être resté jusqu'au bout et au mois prochain. Au mois prochain, salut. Vas-y, on y va. Deuxième prise. Action. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Wotaku. Je suis à nouveau avec Ludo et JP. Et je déteste ma voix quand je parle comme ça. Salut les gars, comment allez-vous? Mais on va très bien. Même son fils, qu'on a découvert dans les comics, a une bonne gueule de... Oula. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a eu un bruit. Ouais, tout un bruit. Ah d'accord, mais c'est, je tirais le câble de ma souris. D'accord, on a l'impression que tu suçais des spaghettis. Bon. JP? Ouais. Ah, c'est bon. Tout va bien, t'es passé en mode ours. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Wotaku. Alors je suis avec JP, JP qui vient du nord de la France. Et puis il y a quelqu'un qui vient du sud aussi, il y a Ludo. Alors au sud de la France, je sais qu'on dit pas les cornets. Tu sais les cornets pour mettre les provisions dedans. Quand tu demandes un cornet dans le sud de la France, ils te disent mais un cornet de glace ou bien plutôt un cornet pour mettre les coquillages. Puis tu dis mais non, c'est pour mettre les provisions. Il perd son... il pète son câble. Bon. Qu'est-ce que tu nous as donc préparé? Écoutez, ma chère Jipeline. Jipeline. Ah, c'est bien ça comme nom. Oh là là là là. Mais quelle déroute. Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième. Pour t'étendre, imagine t'es devant un amphithéâtre de 500 personnes et qu'ils ont tous les yeux braqués sur toi. Comme ça, ça fait. Ouais. Ouais, Kevin Gamero qui marque, et oui, Kevin Gamero qui marque, et oui. J'ai une question par rapport au nom de Turalion. C'est pourquoi il s'appelle Turalion? C'est par rapport à une voyante ou quoi? Par rapport à une voyante. Je sais pas, fallait pas aller consulter une voyante à un moment donné qui lui dira, ben toi, plus tard, tu seras reconnu de l'alliance parce que tu tueras un lion, et donc il s'appelle Turalion. Ah, c'est bon, je m'étais. Ok. Pardon, c'est. Non, c'était au lieu de dire. Au lieu. C'est son père, il a dit tira loin, mais en fait, c'est Gorille, l'a mal prononcé, il a dit tu Lyon, voilà. Très bien. Des problèmes d'audition, d'accord. Très bien, très bien. Okay. Je me tape sur l'estomac et je continue ma chronique. Merci. Cette merde. mais non. C'est fou. Jipeline. C'est trop bien. Bah youpi. On passe à la partie vidéo. Ok, pardon.